Il y a toujours beaucoup plus de trolls, on dirait, en octobre, novembre. La lumière baisse, puis c'est ça. On dirait possiblement, peut-être. C'est du monde, surtout en été, peut-être. Peut-être que c'est un fou, je le sais pas, là. Mais là, par rapport à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous parle, vous vous souvenez, à un moment donné, là, qui était censé y avoir un grand événement, puis j'avais dit, s'il se passe rien, on va nous dire qu'on a eu un sursis. C'est exactement ce qui est arrivé, c'était prévisible. Là, on essaye de nous faire peur avec des affaires de pluie de météorites, puis ça finit plus. Moi, quand je dis cassez-vous pas la tête, c'est dans le sens de pas se créer de crainte, puis pour rien, en par la réflexion, si on peut dire. C'est pas dans le sens découragez-vous pas, parce que le monde, ils ont raison d'être découragés. Je suis pas pour dire au monde découragez-vous pas dans une situation comme on a depuis les dernières années. Ça serait pas correct jusqu'à un certain point, à mes yeux, à moi. Là, c'est sûr, les trolls, ils chialent. Mais là, l'affaire, c'est que, blablabla. Bla. C'est sûr qu'à mettons que, je vous dis, ben, c'est sûr, des bonhommes qui s'en vont en pêche, le plus fier, ça va être celui qui a pêché le plus gros poisson. C'est comme le chat qui a la piste qui sent le plus fort. C'est sûr que quand je me mets à parler d'affaires de même, puis que je l'explique, ça a l'air des analyses. Mais moi, quand je le vois instantanément. C'est des affaires, c'est visible d'un coup, des affaires de même. C'est pas des affaires, c'est juste d'être réceptif, d'observer. C'est comme des madames là, qui s'achètent des affaires, on voit des crânes avec des fleurs, l'union des pulsions de vie, des pulsions de mort, ben ça fait vibrer l'âme, si on peut dire. C'est pas parce que l'âme vibre qu'il va avoir de l'esprit. Même des fois, on dirait ça embrouille les affaires. Donc, c'est pour ça que c'est aussi, il y a aussi l'affaire que, bon, ben, pour parler d'affaires de même, faut le parler instantanément. C'est-à-dire que, c'est le genre d'affaire, je me suis dit, je peux pas préparer rien, puis je pense pas tout le temps, puis je le sais pas tout le temps quelle tournure ça va prendre. Mais là, c'est comme un oubli de soi, volontaire, dans le sens que, si je commençais à réfléchir à, bon, comment ça va être perçu, comment ça va être vu, si pis ça, pis que c'est quel monde ils vont pas penser, c'est sûr, ça bloque ça là. Je peux plus dire rien d'intéressant. Dans le sens que ce sera pas éloquent, ce sera pas justement, ce sera pas lié à de l'instantané, ça va être lié à je sais ça. Ça devient guindé jusqu'à un certain point, dans le sens qu'il va avoir un côté comme artificiel. Or, c'est pas une affaire d'être en représentation. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point le psychisme humain. Ça fait des affaires surprenantes. Ça peut faire des choses surprenantes. Comme l'affaire, le double de se construire. Le double, on ne nous a jamais expliqué qu'une fois que c'est construit, on est pogné avec. Ça, par exemple, ça, il n'y a pas d'avertissement. Hein? Là, c'est ça, de temps en temps. T'es obligé de se faire voir tout, de pas être intelligent dans le sens que c'est de même qu'on devient intelligent, dans le sens qu'on se pogne un pied d'un meuble qu'on finit par comprendre par instinct sans avoir à y réfléchir, à y penser ou à regarder la configuration de comment c'est placé dans la maison. Comme ça, même si c'est une panne de courant puis il fait noir, les périodes qui fait noir, vous allez pas vous enfarger les pieds d'un meuble pareil, vous allez tout le temps continuer à être plugué sur une autre lumière. Une autre lumière qui est une autre perception, comme il y en a que, ben, la vie, elle cherche tout le temps un chemin. Fait que s'il y a un handicap d'un bord, il peut y avoir des sens plus subtils de l'autre. C'est normal. La nature, c'est l'affaire la plus surprenante qu'il y a pas, parce qu'il n'y a rien d'autre dans le fond. Là, le monde, l'ésotériste, tout ça, cherche un sens. On observe, c'est pour intégrer la nature des choses. Comme un adolescent, c'est sûr, s'il se pète une peine d'amour, puis tout, ça peut être la fin du monde pour lui. C'est son impression. C'est sûr qu'une fois rendu plus vieux, des peines d'amour, on en a encore. Mais là, c'est plus la fin du monde. Ça fait toujours aussi mal, mais on le gère différemment. C'est ça de la maturité, de l'intégration, si on peut dire. Mais pour oser parler spontanément, de même, faut justement sortir de ce qu'on pourrait appeler les aspects de gestion qu'on s'est créés par la maturation. Puis jusqu'à un certain point, ben, c'est impur de revenir au monde. C'est revenir au monde par la parole, c'est donner vie par la parole. La porte du monde, le rapport au monde, c'est par rapport à la gestion de l'information, si on peut dire. Même les sens, c'est de la gestion de l'information. Puis il y a reconfiguration, pourquoi? Parce que c'est ça. L'être humain, quelque part, il vit dans l'illusion de Land, mais en dehors. C'est pour ça qu'il y a séparation, puis qu'il peut pas voir de lumière dehors. La lumière, elle peut pas venir de dehors, parce que la conscience est en dedans. Il reste que c'est ça pareil. Elle vient d'en haut, mais dans ce monde-ci, elle est en dedans, puis elle est confrontée au monde. L'homme est mis à l'épreuve dans le monde, jusqu'à un certain point, parce que c'est un monde dense, où tout est ralenti, puis tout fonctionne par sélection, si on peut dire, puis par élimination, malheureusement. C'est pour ça, c'est un monde plus bas. C'est là où on peut dire que oui, on est rejeté de quelque chose. On a été rejeté de plus haut, on vient d'ailleurs, certains. On peut pas venir, on... C'est pour ça que quand j'entends parler les forces descendantes qui veulent, dans le fond, les forces de l'animalité qui sont plus liées à l'instinct, s'ils viennent d'en bas, c'est des affaires qui montent, c'est lié à des lois liées au monde de la Terre, au biologique, au corps. Dans le sens, le corps est habité. Qu'on le veuille ou pas, c'est un véhicule de quelque chose, parce que c'est manifeste. Mais comme il y a des gradations, à un moment donné, c'est comme un signal qui se perd tranquillement. Le monde, ils sont traumatisés de savoir que les Alzheimer mangent leur marde, par exemple. Parce que là, ça commence à poser des questions, ça fait des chocs au niveau de c'est quoi la conscience humaine. Comment est-ce que c'est possible que parce que la machine est endommagée, quelqu'un soit rendu à des stades comme ça? Mais là, c'est parce que c'est ici que le temps existe. Je veux dire, il est ici le linéaire de la densité. Ça veut pas dire qu'est-ce qui s'est manifesté, le temps du linéaire de la densité vient pas d'ailleurs. Peut-être même que c'est d'une nature qu'on peut pas imaginer quand on est pris dans la densité de la mécanicité biologique, d'avoir un corps, d'être pris pour vivre avec, d'avoir des douleurs chroniques, d'être malade, d'avoir toutes sortes d'affaires, l'expérimental, dans le fond, du fait d'être une bébite sur une planète. Parce qu'il reste, c'est ça, c'est comme des oranges avec des bébites dessus, là. Jusqu'à un certain point, ça peut sembler péjoratif, ça peut sembler, mais il reste que c'est ça pareil. Ça, c'est ça le monde. Pourquoi ça crée un traumatisme à la conscience, selon vous? Parce que la conscience vient pas d'ici. Il y a le biologique, là, c'est ce qu'il y a de plus perfectionné comme technologie, mais la réelle technologie, elle n'a pas besoin de support. Celle qui précède la densité. Donc, quand on essaie de vous faire peur avec des pluies de météorites, puis deux affaires de même, vous êtes supposé le sentir qu'à quelque part, il y a une manipulation. Parce que si ça arrive pas, ils vont dire c'est un sursis. Puis c'est tout le temps de même. On n'est pas pour commencer à se casser la tête avec des affaires que si ça arrive, de toute façon, on pourra pas rien faire. Là, c'est pas en train d'arriver. Fait que là, à un moment donné, on va se casser la tête avec des affaires de même. Pendant ce temps-là, il y a des vraies affaires réelles qui arrivent dans le monde que c'est pas mal plus inquiétant parce que c'est pas hypothétique, là. Les conséquences vont être réelles, elles. Dites-vous qu'à chaque fois là, que ça essaye de vous susciter de l'angoisse, là, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière. Parce que l'affaire, c'est oui, il faut traiter l'information. Donc, qu'est-ce qui est le plus ergonomique au niveau de la gestion de l'énergie par rapport à votre expérience, par la gestion de l'information, puis de la façon que vous la reconfigurez? Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est de se casser la tête puis d'avoir peur au point de par réflexe par réflexe de protection, de s'en aller dans des délires, d'écouter des messages de madame qui parle de la Vierge, de se faire un sac à dos, d'aller se cacher dans des grottes, puis des affaires de même. Il y a une manipulation là encore. C'est certain. Il me semble pourtant que c'est évident. Pendant ce temps-là, on se prépare pas à des affaires pas mal plus tangibles. Comme par exemple que si jamais il y a une crise économique réelle puis sociale, c'est pas d'aller vous cacher dans une grotte avec un sac à dos parce que la Vierge le dit à travers une madame quelconque, je sais pas où, que vous allez être capable de gérer ça, là. Ça, c'est des affaires réelles. C'est pas des affaires hypothétiques. Vous êtes mieux d'avoir des petits chocs de temps en temps, qu'à un moment donné, faire face à un vrai gros choc. Puis de vous rendre compte que les guides, puis la Vierge, puis certaines affaires au niveau du concret, des fois, c'est pas aussi simple que vous pensez. On n'est pas pour prier comme saint Antoine pour que les oiseaux apportent du pain, là. J'ose même pas imaginer ce que certaines personnes qui croient à plusieurs affaires en même temps, même si ça fait pas ensemble parce qu'ils n'ont pas de vision d'ensemble, ce qu'ils vivent. À quel point ça doit être. On doit se sentir perdu jusqu'à un certain point ou obligé de se réfugier dans des rationalisations délirantes, dans le fond, puis là, ça devient quasiment un état onirique délirant par rapport à la réalité. En même temps, vous avez M. Prix Nobel qui a restarté les tests nucléaires en même temps que, supposément, que si on a un sursis des frères de l'espace, c'est parce que, justement, là, faut se rattraper puis pas faire de guerre puis tout. Puis en ce moment, il y a une course aux armements. Puis imaginez ce pauvre monde manipulé, comment qu'ils doivent filer mal. Puis comment qu'au fond, même s'ils filent pas mal parce qu'ils se mettent sur un nuage arc-en-ciel nouvel âge, ils restent au fond d'eux-mêmes. C'est justement en réaction, puis au niveau de refoulé, des angoisses terribles par rapport à des peurs d'annihilation, dans le fond. La conscience, là, c'est quelque chose de vif, c'est quelque chose qui a tout le temps eu peur de s'éteindre, c'est pour ça que ça reste allumé quand c'est allumé, puis que c'est fort de même.